Anna. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Nous sommes le 8 août 2019. Voici les grands titres. Le choléra est en nette diminution dans la province de Cibitoke et en mairie de Bujumbura, puisque sur les plus de 200 cas confirmés, seule une douzaine reste sur le lit d'hôpital. Mais le respect des mesures d'hygiène doit toujours être de mise, nous dira le ministre de la Santé, qui rassure également que toutes les précautions ont été prises dans l'éventualité d'un cas d'Ebola, ce virus signalé chez nos voisins de l'Ouest, la République démocratique du Congo. Les leaders des partis politiques œuvrant dans la province Karoussi sont appelés à collaborer et à signaler aux autorités provinciales tous les cas de perturbation de leurs activités. Sinon, tout le reste est considéré comme rumeur, selon le gouverneur de cette province, qui s'exprime dans le cadre d'une série d'interviews initiées par notre rédaction sur le climat politique dans les provinces du pays. Et la commune Gachikano en province Ngozi a depuis ce mercredi un nouvel administrateur communal en remplacement de Jeanne-Françoise Ndayira-Guijé. Elle a récemment démissionné de son poste et elle a été remplacée par un homme. Et pour cela, une certaine opinion là-bas crie au non-respect de la loi. Nous appellerons notre correspondant. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Sécurité pour ouvrir ce journal. Un bébé de 8 jours a été égorgé par sa mère dans l'après-midi de ce mercredi sur la colline Guisegni de la commune Boussoni en province Kirundo. Après avoir commis cet acte ignoble, le présumé meurtrier s'est livré elle-même au chef de la sous-colline Kubaniro rural. D'après la même source, son meurtre serait lié au fait que le père de l'enfant nie la paternité. Cet enfant a été enterré hier même. Actuellement, l'auteur est au cachot du parquet de Kirundo pour enquête, comme l'a indiqué Albert Hatungimana, administrateur de la commune Boussoni. Je venais de vous le dire dans les titres, seules 12 personnes restent hospitalisées sur les 235 cas confirmés de choléra en province Cibitoke et en mairie de Bujumbura. Le ministre de la Santé indique que presque tous les patients sont rentrés, sauf un seul cas de décès. Docteur Tadendi Kumana appelle la population à toujours observer les mesures d'hygiène pour faire face à cette épidémie. Il tranquillise également que le Burundi se prépare à la prévention contre le virus d'Ebola, informant les prestataires de santé. Le ministre de la Santé fait savoir également que d'ici 10 jours, le site de traitement transitoire sera prêt pour accueillir un éventuel cas d'Ebola. On fait le point avec Francine Ndiokoubgaïo. Le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida fait savoir que le choléra sévit dans la province Cibitoke et en mairie de Bujumbura. Au cours d'une conférence de presse animée ce mercredi, Tade Ndikumana rappelle que la pénurie d'eau potable dans ces localités restait la principale cause, mais que des actions sont menées en synergie pour réduire les effectifs. Nous avons déjà accueilli 235 cas confirmés de choléra. Et nous avons traité gratuitement. Presque tout le monde est sorti indemne. Alors actuellement, il reste 12 cas hospitalisés dans les hôpitaux de Bujumbura et dans la province de Cibitoke. Et nous déplorons un seul cas de décès qui était associé au paludisme. Et nous saluons la mesure que le gouvernement a prise pour faire participer les autres ministères, surtout le ministère en charge de l'environnement, de l'eau et de l'intérieur, qui s'active pour pouvoir assainir les milliers, surtout les bistrots, les petits restaurants, mais aussi la réouverture des fontaines publiques pour pouvoir disponibiliser l'eau potable. Le ministre de la Santé a aussi rassuré que le Burundi prend des mesures pour faire face au virus d'Ebola s'il advenait qu'il pénètre au pays depuis la République démocratique du Congo. Après ce qu'on avait fait, c'est-à-dire la formation des prestataires et qui sont redéployés dans les points d'entrée, mais aussi la formation des prestataires des hôpitaux de district. Actuellement, nous attendons la livraison des vaccins qui seront administrés prioritairement aux prestataires qui œuvrent dans les districts, mais aussi des agents de la PAF. Et du coup, nous avons aussi, à travers le financement de la Banque mondiale via l'OMS, préparé un site de traitement transitoire à Modoubougou qui, d'ici 10 jours, sera prêt et inauguré pour pouvoir accueillir un éventuel cas suspect. Mais avant cela, tous les hôpitaux des districts disposent des sites d'isolement pour pouvoir isoler un cas suspect. Et aussi, une très bonne chose, c'est qu'au Burundi, nous pouvons faire le diagnostic différentiel, savoir si c'est un cas d'Ebola ou pas. Le docteur Tadendi Kumana appelle toute la population à alerter tout cas qui échapperait à la surveillance des frontières. Francine Ndihokubgayo. Les leaders des partis politiques œuvrant dans la province Karoussi sont appelés à collaborer et à signaler aux autorités provinciales tous les cas qui perturbent leurs activités. Déclaration du gouverneur de cette province qui apprécie positivement la situation politico-sécuritaire dans sa province. Kaleni Mbarushimana qualifie de rumeur tout mauvais acte non communiqué. Selon le gouverneur de Karoussi, cette fois, le travail qui est en cours pour les élections de 2020, c'est la vulgarisation du code électoral. Kaleni Mbarushimana a été jointe au téléphone par Placide Niyomongere. La situation qui règne dans notre province, c'est la paix qui règne. Surtout qu'on a déjà commencé à vulgariser le code électoral. Le ministère de l'Intérieur a commencé à vulgariser le code électoral auprès des leaders politiques ainsi que des leaders religieux au niveau de la province. Et pour le moment, nous sommes en train de vulgariser le code électoral au niveau des communes. Et bientôt, ce sera le tour des administrateurs communaux qui vont vulgariser le code électoral au niveau des zones. Nous préconisons d'entrer disque sur les collines pour que toute la population de la province Carous entre dans la période électorale, sachant les différents articles qui figurent dans le code électoral. Mais avant la vulgarisation de ce code électoral, quel était le climat qui règne entre ces partis politiques? Dans notre province, je dirais qu'il y a d'abord 9 partis politiques. Vous voyez que la paix règne dans ces partis politiques, mais aussi au niveau de toute la province, il n'y a aucun problème entre ces partis. Oui, vous dites qu'il n'y a pas de problème alors que par exemple à Guitaramoka, il y a eu des militants des partis politiques qui se sont entrés dedans et a vu aussi le déplacement de la CNIDH. Mais qu'est-ce qui s'était passé réellement? Je ne peux pas donc dire ok, moi sur ça, surtout que nous avons donc fait une réunion avec les leaders des partis politiques. Nous nous sommes convenus que chaque fois qu'il y aura un problème, c'est le leader politique qui va nous signaler. Pour le moment, quand vous dites qu'il y a une mésentente entre les jeunes de ces partis, alors que le représentant ne nous a pas signalé de problème, je dirais que c'est armé comme tant d'autres. Et on apprend également qu'il y a des représentants de certains partis politiques à Guiho Gazi dans votre province qui sont incarcérés. Est-ce que vous n'êtes pas au courant de cette situation? Moi, je ne le connais pas. Quand le représentant ne m'a rien dit, je dis que c'est armé comme tant d'autres parce que c'est le représentant du parti qui va nous signaler vos problèmes. Alors, comment est la collaboration entre la province et ses partis politiques? Nous collaborons étroitement avec les leaders des partis politiques. Dernièrement, nous avons tenu une réunion à l'intention de ces leaders. Nous sommes convenus que nous allons nous communiquer étroitement. L'appel que je lance à l'endroit des leaders politiques, c'est de continuer à collaborer comme nous le sommes aujourd'hui. Je lancerai l'appel à la population de la province car c'est de maintenir la paix et la sécurité dans toute la province. Kaleni Mbarushimana, c'est le gouverneur de la province de Karoussi. Et la commune Gashikano en province Ngozi a depuis ce mercredi un nouvel administrateur communal en remplacement de Jeanne-Françoise Ndagiragije qui a récemment démissionné de son poste pour des raisons de santé comme mentionné dans sa lettre de démission. Elle a été remplacée par un homme. À ceux qui parlent du non-respect de la loi pour n'avoir pas respecté les 30% des femmes, puisqu'il n'en reste que 2 sur les 9 que compte la province, le président du conseil communal dit qu'il n'y a rien d'alarmant, arguant qu'il s'agit d'une courte période de transition avant les prochaines élections. Les détails dans cette correspondance d'Apollinaire Monzagara. Théophile Nivizi, c'est le nom du nouvel administrateur de la commune Gashikanoa, élu somme le crédit lors d'une assemblée générale extraordinaire. Il remplace Jeanne-Françoise Ndayiragije, qui allait terminer 3 mandats, c'est-à-dire presque 15 ans, à la tête de cette commune. Dans sa lettre de démission, l'ancien administrateur explique sa démission par des raisons de santé, démission que le président de la République du Burundi n'a pas tardé à accepter suite à l'élection de cet homme à la tête de la commune Gashikanoa. La province Ngozi ne compte que 2 femmes sur les 9 qu'a cette province, ce qui provoque des lamentations de la part de certaines femmes de cette commune qui indiquent que Jeanne-Françoise Ndayiragije devrait être substituée par une autre femme en vue du respect des 30% que leur confère la Constitution. Le président du conseil communal Gashikanoa, Désiré Nitonde, dit que cela ne perturbe pas du tout le bon fonctionnement des activités de cette commune car, dit-il, Théophile Nibizi est placé à la tête de cette entité communale quelques mois avant les élections de 2020 qui mettront en place un nouvel administrateur communal pour un autre mandat. Lui est le responsable de la commission électorale provinciale indépendante ajoute aussi que la femme conseillère communale qui devrait remplacer l'administrateur partant est occupée par d'autres fonctions. Le nouvel administrateur de la commune Gashikanoa, Théophile Nibizi, a été élu sur 15 voix pour et une abstention. Donc aussi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Une grande partie de la population burundaise n'a pas d'accès aux services financiers, notamment dans les zones rurales. Dans un communiqué rendu public mardi et parvenu à notre rédaction ce jeudi, ICO Coopération déclare que selon la stratégie nationale d'inclusion financière, 23,8% de la population adulte a un compte dans une institution financière, dont 8,5% pour la population en milieu rural, 7,9% pour les femmes et 7,1% pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans. Cette organisation internationale opérant depuis 4 ans au Burundi, vise la réduction des contraintes qui entravent le développement des services financiers à l'intention des familles de petits agriculteurs, dont les femmes et les jeunes, et de petites entreprises agroalimentaires. En cette semaine dédiée à la microfinance au Burundi, ICO Coopération soutient et encourage les secteurs financiers à développer des approches innovantes. Et puis, dans les nouvelles de Provence, des filles ne s'intéressent pas beaucoup à l'enseignement technique, selon le directeur technique de l'école des travaux publics de Gitega, située en commune et province Gitega. Ildefonse Nchamadje fait savoir que sur plus de 500 élèves que compte cet établissement, les filles sont au nombre de 80. Cependant, des filles qui étudient dans les différentes sections de l'ETP Gitega disent qu'elles comprennent mieux les cours que leurs condisciples, à l'exception des travaux pratiques nécessitant beaucoup de force. On parle femmes avec Vestine Boutoya Gitega. Je suis une Selfie, alors nous sommes au nom de Vénère. Selfie est l'une des filles élèves de l'école des travaux publics ETP Gitega. Ozana Karina Kimana a poursuivi sa carrière de dessinateur-projeteur. Elle explique que le choix de cette section est le résultat de ses ambitions. J'ai toujours rêvé d'être un ingénieur, c'était mon rêve. J'ai fait mes recherches, j'ai demandé où est-ce que je peux trouver les sections pour les techniciens. J'ai fait mon choix, j'ai demandé, on m'a orienté à Tega. Lisa Kelly Midende, une autre élève de la dite école dans la section de géométrie, maître topographe, indique que le fait que cette section lui plaisait beaucoup a été sa seule motivation. Je l'appréciais avant, c'est pour cela que j'ai choisi cette section. Mon père faisait ce métier avant. Ces filles de l'ETP Gitega déplorent que pendant les premiers temps, leurs confrères les décourageaient beaucoup, à leur montrer qu'ils ne sont pas les bienvenus. Les garçons me disaient toujours, cette section n'est pas destinée pour les filles, ça sera toujours incapable de réussir, mais je sais que je suis capable. Cependant, même si ces sections ne sont pas plus fréquentées par des filles, ces dernières affirment qu'elles comprennent les leçons apprises, tout comme les garçons, à l'exception des travaux pratiques qui nécessitent de la force physique. Avis confirmé par l'un des professeurs de l'ETP Gitega, Frédéric Monima, il signale qu'il pourrait y avoir des filles plus douées que les garçons. Se créer de l'emploi est l'un des avantages de ceux ou celles qui ont fait des enseignements techniques, conclut Ildefonse Chamagé, directeur technique de l'école des travaux publics de Gitega ETP. Les avantages sont multiples. D'abord, l'élève se développe de ce qu'il a appris. Donc, la fille se développe. Le pays aussi se développe à travers donc, le travail exercé par ses filles ou ses garçons. Au moment où la peur des sections techniques est l'une des causes de la non-fréquentation des filles dans ces sections, le psychopédagogue Alexis Ndaïziguié demande au ministère de l'Éducation de mettre en place une loi contraignant les filles à s'intéresser à ces enseignements techniques. Le ministère peut prendre des mesures contraignantes en exigeant que la majorité des filles soient orientées dans ce domaine. Il y a aussi des mesures qui ne sont pas contraignantes où on peut encourager les filles, par exemple, en leur donnant accès aux écoles à régime d'internat. Parmi plus de 500 élèves de l'école des travaux publics de Gitega, les filles sont au nombre de 80, comme l'indique Ildefonse Chamagé, directeur technique de la dite école. C'est un reportage réalisé par Vestine Boutoui à Gitega. L'incitation des femmes à s'intéresser à l'école via les comités collinaires des droits des enfants est une des stratégies pour éviter qu'il y ait des enfants en situation de rue dans la ville de Rutana qui n'ont cesse d'agrandir. Tels sont les propos du coordinateur du Centre de développement familial et communautaire, CDFC Rutana. Le village d'enfants SOS Rutana participe aussi à la protection des enfants contre ce phénomène d'enfants en situation de rue. Les enfants observés dans la ville de Rutana y passent la journée à la recherche de petites activités rémunérables et rentrent chez eux le soir. Retour à mairie de Bujumbura pour parler infrastructures routières. Les regards non couverts s'observent sur le boulevard Mercure Ndadaye à mairie de Bujumbura. Certains conducteurs de véhicules qui empruntent cette route disent y passer avec une certaine peur de tomber dedans. Ces derniers et ceux qui exercent leur métier tout près de cette route demandent que ces regards soient bouchés. Ornella Mucho. Sur le boulevard Mercure Ndadaye, au quartier industriel, depuis la station Kobil jusqu'à la pancarte de Bétissi, trois regards non fermés s'observent au milieu du goudron. Sur cette route, différents mouvements des voitures, motos et tuk-tuk s'observent. Un des conducteurs dit être gêné parce qu'il doit faire des contours lorsqu'il passe à côté de ces trous. Ces trous gênent beaucoup la circulation parce qu'on doit faire des zigzags ou diminuer l'allure par peur de tomber dedans. Une des personnes qui exercent leur métier non loin de cette route avance avoir déjà vu des accidents causés par ces regards ouverts. J'ai déjà vu 4 accidents causés par ces regards. Quelquefois, les conducteurs éprouvent des difficultés et les voitures tombent dans les caniveaux. Et ces accidents s'observent quelquefois pendant la journée ou pendant la nuit. Ces gens trouvent que le meilleur est de couvrir ces regards dans le but d'éviter les accidents qui peuvent être causés par ces trous. Merci Ornella Mucho. Et en bref, les responsables de l'Office burundais des recettes OBR demandent aux commerçants de la province Karusi de collaborer avec les agents de cet office au lieu de prendre fuite lorsqu'ils voient son agent dans les environs. Ces responsables de différents départements de l'OBR l'ont dit ce mercredi lors d'une réunion d'explication de la loi sur le paiement et la collecte des taxes et impôts à l'intention des contribuables de cette province. Et les agriculteurs ayant des champs de culture sur les collines Gabiro Ruziagira dans l'ancienne propriété de la société Rugo Farm située dans la commune Rugombo de la province Chibitoke sont priés de se regrouper en association coopérative pour que cette propriété qui jadis appartenait à une seule personne soit profitable à toute la population de Rugombo. Cet appel est du ministre de l'Environnement, l'Agriculture et l'Élevage, accompagné de son staff dans une visite qu'il effectue depuis ce mercredi à l'intérieur du pays. Il s'agit d'inciter les agriculteurs à irriguer leurs champs de culture, surtout pour cette saison culturelle, c'est dite sèche. Parmi les défis auxquels font face les agriculteurs, comme ils l'ont souligné, figure le manque d'engrais chimiques. Le ministre Rurema a promis à la presse de s'exprimer ce vendredi après cette descente. Après Bubanza et Chibitoke visités ce mercredi, aujourd'hui c'est le tour de Kayanza, Ngozi et Kirundo avec le même objectif. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également, merci à toute l'équipe technique. La mise en onde a été assurée par Eli Kadogo et la retransmission en direct sur notre page Facebook assurée par Tuikez et Gracia. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Un bon après-midi.